bafouer notre passé, nous cachant la vérité. Rien ne pourra nous arrêter, un jour ils devront payer. Combat pour nos ancêtres, combat pour nos ancêtres.